à se retrouver tout seul, à trop balader son seum, à regarder ses erreurs, à trop se battre pendant des heures, à trop souvent être déçu et finalement s'en contenter, à perdre son temps, à s'en aller, rater ses rêves, les contempler. J'ai trop pris l'habitude de m'enfermer dans ma chambre, claquer les fenêtres et puis attendre. Ce besoin d'être solitaire, ce besoin d'être sur les mers, ce devoir d'être solidaire de tous ces gens qui ont besoin d'air. On s'est trop dit qu'un jour on partirait, mais ce jour-là arrivera-t-il en vrai? Libéré de ses chaînes et du poids qu'il ennuie, je vais retrouver mon sourire auprès de la joie qu'il envie. On traversera les océans, on passera par ses campagnes, se posera sur les continents où le bonheur ne se compte pas. Aucune horloge ne viendra me dicter le temps. Nul ne sera plus libre que moi quand j'avancerai au gré du vent. On m'a appris à rêver de liberté, à jamais se limiter, entendre ton cœur s'emballer, à s'enfuir aussi vite qu'un coup de battement d'aile. Alors on rêve de liberté éternelle. On m'a appris à rêver de liberté, à jamais se limiter, entendre ton cœur s'emballer, à s'enfuir aussi vite qu'un coup de battement d'aile. Alors on rêve de liberté éternelle. À trop vouloir vider l'esprit, on en oublie l'essentiel, à se dire que le plus beau des voyages c'est dans le ciel. Ne plus lâcher des yeux les horizons, quand les hommes seront heureux, nous sourirons. Et puis croire au final que la chance nous rate pas, que le destin est bien là et jamais nous abattra. Se dire qu'au fond la vie se doit d'être vécue à fond, qu'aucun conflit justifie toutes les âmes tombées au front. Si je m'endors la journée, c'est que la nuit je rêve éveillé. J'irai remplir mes cartouches d'encre avec les larmes que j'ai versées. Un seul être disparaît et la terre est dépeuplée. Moi j'ai patate, on va fleurir, je pleure des larmes de fumée. Et puis je m'enfuirai pendant la nuit d'une éclipse, monterai à bord d'un de ces cargos, tournerai comme ces hélices. Aucune horloge ne viendra me dicter le temps. Nul ne sera plus libre que moi quand j'avancerai au gré du vent. On m'a appris à rêver de liberté, à jamais se limiter, entendre son cœur s'emballer, à s'enfuir aussi vite qu'un coup de battement d'aile. Alors on rêve de liberté éternelle. On m'a appris à rêver de liberté, à jamais se limiter, entendre son cœur s'emballer, à s'enfuir aussi vite qu'un coup de battement d'aile. Alors on rêve de liberté éternelle. On m'a appris à rêver de liberté, à jamais se limiter, entendre son cœur s'emballer, à s'enfuir aussi vite qu'un coup de battement d'aile. Alors on rêve de liberté éternelle. On m'a appris à rêver de liberté, à jamais se limiter, entendre son cœur s'emballer, à s'enfuir aussi vite qu'un coup de battement d'aile. Alors on rêve de liberté éternelle. À se retrouver tout seul, à trop balader son seum, à regarder ses erreurs, à trop se battre pendant des heures, à trop souvent être déçu et finalement s'en contenter, à perdre son temps, à s'en aller, rater ses rêves.